Bonjour tout le monde, c'est l'heure du japonais en douceur de NHK World Radio Japon. Je suis Adrien Lachance. Je suis Mélanie Marx. Découvrons ensemble le plaisir d'apprendre le japonais. Nous en sommes à la leçon 42. La phrase clé est... Dore ga ichiban oishii kana? Je me demande lequel est le meilleur. Plus littéralement, lequel est le plus délicieux, je me le demande. Le personnage principal de notre sketch est Anna, une étudiante internationale originaire de Thaïlande. Elle participe aujourd'hui à un voyage d'études de son université. Elle a pris le train à grande vitesse, Shinkansen, à la gare de Tokyo. Elle va maintenant acheter une boîte à bento, une boîte à repas, vendue par le service de restauration à bord du train. Écoutons le sketch de la leçon 42. La phrase clé est... Dore ga ichiban oishii kana? Je me demande lequel est le meilleur. O bento to o cha o mochi itashimashita. Dore ga ichiban oishii kana? Makunouchi bento wa ninki ga arimasu yo. Ja, watashi wa makunouchi. Boku mo. Shiharai wa betsubetsu ni onegai shimasu. Laissez-moi maintenant vous expliquer le sketch. Anna fait signe à la vendeuse. Il y a plusieurs sortes de boîtes à bento sur le wagon. C'est difficile pour elle de choisir. Dore ga ichiban oishii kana? Je me demande lequel est le meilleur. Dore signifie lequel. On utilise la particule ga après la forme interrogative qui demande le sujet de la phrase. Ichiban signifie le premier, le plus, le meilleur. On exprime ainsi le superlatif lorsque l'on compare plusieurs choses. Ichiban signifie numéro un, n'est-ce pas? Oui. Oishi signifie délicieux. Kana est une particule que l'on utilise lorsqu'on s'interroge. Ici, cela signifie qu'elle ne parvient pas à dire lequel est le plus délicieux. Exerçons-nous à dire la phrase du jour. Je me demande lequel est le meilleur. Dore ga ichiban oishii kana? La vendeuse dit: Makunouchi bento wa ninki ga arimasu yo. Le Makunouchi bento est très prisé. Makunouchi bento est une boîte bento standard qui contient du riz, des œufs brouillés, du poisson grillé, des légumes cuits, des cornichons et bien d'autres choses. Une boîte à bento se dit: Bento wa est la particule qui indique le thème ou le marqueur de sujet. Ninki signifie popularité. Na est la particule qui indique le sujet. Arimasu signifie exister, avoir. C'est un verbe qui exprime l'existence ou la possession. Ninki ga arimasu signifie est populaire. Littéralement, la popularité existe. Hein? Pourtant, ninki est un adjectif, non? Non. En japonais, « est » ou « sont » prisés est la combinaison du substantif « ninki » popularité et du verbe « arimasu » exister. Donc on dit « ninki ga arimasu ». Anna dit à la vendeuse « Ja, watashi wa makunouchi. » Bon, alors je vais prendre un makunouchi. « Ja » signifie « alors ». C'est une façon informelle de dire « sore de wa ». Watashi signifie je, moi. Wa est le marqueur de sujet. Makunouchi est une version abrégée de Makunouchi bento. Dans cette phrase, le verbe acheter est omis, le contexte ne laissant aucune ambiguïté. Il est courant dans les restaurants de dire Watashi wa et de passer ensuite sa commande. Ainsi, si l'on souhaite commander du thé glacé, on dira Watashi wa ice tea. Je vais prendre du thé glacé. C'est la même chose en français. Puis Rodrigo dit Boku mo. Moi aussi. Boku signifie moi pour les hommes. C'est un terme informel utilisé par un homme lorsqu'il fait référence à lui-même. Mo signifie aussi également. Shiharai wa betsubetsu ni onegai shimasu. Deux additions séparées, s'il vous plaît. Plus littéralement, veuillez faire des factures séparées, s'il vous plaît. Shiharai signifie facture, addition, littéralement un paiement. Wa est le marqueur de sujet. Betsubetsu ni signifie séparément. お願いします signifie pourriez-vous faire quelque chose pour moi, s'il vous plaît. Au Japon, on divise souvent l'addition en petites unités. C'est vrai. Écoutons de nouveau le sketch de la leçon 42. La phrase clé est どれが一番美味しいかな? Je me demande lequel est le meilleur. お弁当とお茶をお持ちいたしました。どれが一番おいしいかな?幕の内弁当は人気がありますよ。じゃあ、私は幕の内。僕も支払いは別々にお願いします。Passons là-dessus à notre rubrique Enseignez-nous, professeur. La responsable de cette émission, la professeure Akane Tokunaga, nous enseigne le point d'apprentissage du jour. Nous avons appris aujourd'hui l'expression Ichiban, le plus, le meilleur, numéro un. Veuillez nous l'enseigner plus en détail. Demandons à notre professeur. Lorsque l'on compare plusieurs choses, on indique celle qui est la meilleure en disant Ichiban, le meilleur, le plus, numéro un. Alors, comment dit-on c'est le plus intéressant? Intéressant, c'est Omoshiroi. Alors on dit Ichiban omoshiroi desu. L'adjectif omoshiroi ne change pas. On indique l'éventail des comparaisons avec la particule de. Numéro 1 au Japon, c'est Nihon de ichiban. Comment dit-on le mont Fuji est la plus haute montagne du Japon? Haut, c'est takai. Alors on dit Fujisan wa Nihon de ichiban takai desu. Posons des questions en employant ichiban, numéro 1, le meilleur, le plus. On utilise un mot interrogatif différent devant Ichiban selon ce que l'on compare. Si l'on compare des choses que le locuteur et son interlocuteur regardent, on utilise Dorenga. Lequel. Donc, si l'on souhaite dire lequel préfères-tu, littéralement lequel aimes-tu le mieux, aimer c'est Ski. Alors on dit Dorenga Ichiban Ski desu ka? Si l'on compare des choses qui ne sont pas autour de nous, on emploie Naninga. Que, quoi. Donc, qu'est-ce que tu préfères? Littéralement, qu'aimes-tu le mieux? Se dit Naninga ichiban suki desu ka? Si l'on compare des personnes, on emploie Darenga. Qui? Si l'on compare des endroits, on utilise Dokonga. Où? Et si l'on compare des dates, on emploie Itsunga. Quand? C'était notre rubrique « Enseignez-nous, professeur ». Passons à notre rubrique « Mots descriptifs des sons ». Nous vous présentons ici des mots qui contiennent des sons évoquant des bruits particuliers, des voix ou des comportements. Eh, ce n'est pas mon estomac. En japonais, on emploie ce mot descriptif lorsque notre estomac grogne. Gu. Comment ? Nous avons pourtant appris que « gu gu » décrit le ronflement. « Gu » s'emploie aussi pour décrire le son que fait notre estomac lorsqu'on a faim. Lorsque le son se répète, on dit « gu gu ». Ainsi, lorsqu'une personne est affamée, on dit ceci de son estomac. « Peko peko ». Lorsque l'on dit « peko peko », c'est que l'on est affamé. Dans notre rubrique « Mots descriptifs des sons », aujourd'hui, nous vous avons fait découvrir « gu » et « peko peko ». Avant de conclure, Anna se remémore les événements de la journée et ses tweets. C'est notre rubrique « Les tweets d'Anna ». On m'a dit que de nombreuses gares au Japon ont des « ekiben ». Des boîtes à repas qui proposent des produits typiques de leur région. J'aimerais en goûter plusieurs. La leçon 42 vous a plu? La phrase clé aujourd'hui était どれが一番美味しいかな? Je me demande lequel est le meilleur. La prochaine fois, Anna arrivera à la destination finale de sa visite, la préfecture de Hyōgo. Ne manquez pas notre prochaine leçon.